The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Ready. Prêt. On foot. À pied. In car. En voiture. Coin. La pièce. To put on. Mettre. Now, a bit faster. To put on. Mettre. In car. En voiture. To put on. Mettre. On foot. À pied. In car. En voiture. To put on. Mettre. Ready. Prêt. On foot. À pied. To put on. Mettre. Now, use the words in context. Prêt. Everybody is ready. We can go. Tout le monde est prêt. On peut y aller. La pièce. To do heads or tails, you need a coin. Pour jouer à pile ou face, on a besoin d'une pièce. À pied. Since it's not far, I prefer walking to work. Comme ce n'est pas loin, je préfère aller au travail à pied. En voiture. It's forbidden to drive on this street. Il est interdit de passer dans cette rue en voiture. Mettre. He's not ready. He still needs to put on his shoes. Il n'est pas prêt. Il doit encore mettre ses chaussures. Prêt. Everybody is ready. We can go. Tout le monde est prêt. On peut y aller. À pied. Since it's not far, I prefer walking to work. Comme ce n'est pas loin, je préfère aller au travail à pied. En voiture. It's forbidden to drive on this street. Il est interdit de passer dans cette rue en voiture. Mettre. He's not ready. He still needs to put on his shoes. Il n'est pas prêt. Il doit encore mettre ses chaussures.